y a les rives d'un nénuphar. Elle sera nue ce soir. Ça vient, c'est trop tard. Tu descends de tes cimes, limite d'un regard, tu sais, c'est déjà presque un crime. Ta vie en retard suranime. Tout ce qui s'abîme se répare. Quand elle chante, tu chantes pareil. Quand elle danse, au moins tu essayes. Quand elle court, c'est avec tes ailes. Tu es avec elle. Tu es avec elle. À peine que tu devras la faire sourire pour passer sous haleine. Elle dira, c'est chaud dans mes veines, ça ressemble au délire. Elle te fera des mises en scène et tu pourras plus partir. Elle dira, tu viens de nulle part. Je t'entends, tu respires. Nos nuits dès ce soir ne devront plus. Et toi, tu finiras par la croire. Aimer, c'est pas vraiment mentir. Hey, hey. Et quand elle chante, tu chantes pareil. Quand elle danse, au moins tu essayes. Quand elle court, c'est avec tes ailes. Tu les as avec elle.